C'est que le yo makaso. Oh non, t'es draqué ma fumbe. Albert, oui, assassé. Matate. Willy opélé là. Boilé. Momo. Olé. Mouga koyi. Olé. Papa Wemba. Olé. Ekoumanyi. Olé. Bela Kikomba. Olé. Boilé. Olé. Mississippi mama na wedi. E wedi la monye mola lolo komele. Ana leko la monye mola lodi kopi. Ana mongole boyo banyo shabi. We banyo pena ki kumba lonyo homa. Ye bale nyoyo nongo boya nelo he. Nyoya nyoyo nongo boya fubu. Oko to pena ki kumba. Eh papi wepa, li swa mokozi. Yeah. Lole omba. Le gouverneur de Minnesota. Eh papa na queen mada Henri Wanya Ya o motoro kakala le nega pa mi wanya kene Wa mato wa shinye ha woyo ka pa mi sonye Wo kena kena Itutu lanya Le wo kena kena Di halalanya Le wo kena kena Le kongo lanya Le wo kena kena Aheka lanya Yeah Pusa, Jean-Paul Cassette, Pusa, on a tête à la crème à foutre. Pusa, Konga, Léonard Chapeau. Tu coma. Encore c'est Koumaï, et Pena qui combat. Dieu donné, elle est là. La Suisse est maintenant. Papa la langue est sous la tacondole. Le combé la nodi mandala no habité. Le combé la langue est sous la nomena. Le combé la yoshane molanjo tondo. Yé maleto yon nom au moyen à toche. Akona bubul, leki abutu. Wanya shangona meme baka tosha lomba. Wanya shangona meme baka tosha wembayo. Lomba chungola wachole wa kongo. Kongo lombele lomba hero national. Wembayo bato shane mola jotondo. Bala wame sote tela kema fumbe. Aye. Eh okuji kujo, veke samu. Le ministre colombien, Peter Pan. Matanya te kasulu. Kena koko ke. Matate. Jean-Paul Odeba. Elola. Ekape. Sangola Coca. Sangola Coca. Polidor Odeba. Bonsoir papa. Papa na babétisse. Aïle. Papa ya ma papa da. Kuchene, on a pas mis boca en la gorilla. Quaco, le football, et Katombe. Machuda, madame, Koliko, et ma maman. Tango, Kanuko, et Takasaka. Inej, et Fabrice, et Gorilla. Aïle, pour les Moudimena. Aïle, Marie-Claire Loukika. Aïle, et Pasteur Francis Lola. Elise Nyodo Naila Robert Kiliba L'homme capable Papa Uchudi Aïle Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Sal Ona tete la kema fumbe Andouz Papa Membalo Kanya chala kaso La putulo to konga Europa lo kongami Blanchard America lo kongami Kipasa Andawo tondo Elo kenelo kanya chala kaso Welanja Joye mema Welanja Joye mema Jiji kakatuku Joye mema Molopoe Welanja Joye mema Aye Chango mère Vos pattes de sac ou à sol Bébé Awata bébé Papi Okito Awata bébé L'honorable Awata bébé Yoto Gaston Awata bébé Papa Bokilo Ewa tignyo mema mwa mwane la kasole No chaputu no katakolo to konga No me la kole lo sambo lo tolera Petronel Benz kami Karine Mpoko, hein? Wango wa kumbache Momo Yandelo, hein? Michel Lorenz Et des jeux d'hommes, c'est émoué L'ingénieur du sort Émoué, émoué, Atani Gelo, émoué Émoué, Général Oleko, émoué Émoué, Kelo Beta, émoué Émoué, Papa Teme, émoué Émoué, Marc Moko, il est baron Émoué, La Bermende, l'homme au verbe facile Et le docteur au manga TH Émoué,